L'aumône de Francine par Daniel Le Sueur. Chapitre 1er. Sous le pinceau qui piquetait et caressait la toile, des graminées, de folles avoines, légères de leurs frissons l'herbe un peu opaque d'une clairière. Le poignet délicat de Francine pesait à peine sur l'appui main. Les yeux sombres de la jeune artiste, sa seule beauté frappante dans un visage où le printemps de la vie s'effaçait avec une attendrissante douceur, se fixèrent ardemment sur la petite étude dont elle s'inspirait pour faire son tableau. Elle suspendit l'effort direct, s'absorba, tâcha de revivre cet instant de l'été dernier dans un coin boisé du domaine familial, évoqua l'heure, l'odeur végétale et chaude, la vibrante transparence de l'air jusqu'au lointain profond, tout ce qu'elle voulait recréer dans un frémissement de nature avec la suggestion du même charme. La difficulté de l'art lui étreignit le cœur. Elle perçut la fuite ironique de l'insaisissable, ne sentit plus la franche ivresse de l'espace, mais la tiédeur fade du poil. Comme elle était seule, quelle immobilité! Y avait-il des heures ou des années ou des siècles qu'elle rêvait là, dans son atelier, parmi ces choses connues depuis longtemps? L'étrange sensation du déjà-vécu passa sur elle dans la profondeur du silence. Mademoiselle Dalien posa sa palette et ses brosses. Elle souleva sur son front l'épaisse volute des mèches brunes. L'air lui manquait peut-être. Un store glissé, un châssis descendu dans la verrière, et voici qu'un carré bleu se découpa en plein ciel avec l'irruption d'une bouffée fraîche. Puis, tout de suite, sur le bleu, de petits nuages coururent, vifs voyageurs, bousculés, chiffonnés par le vent de mars. De quelle distance, par quel chemin avait-il couru, avant de passer par ce quartier tranquille, au-dessus des calmes jardinets, en arrière desquels Francine Dalien avait son atelier, son logis solitaire. Mais brusquement une ritournelle de valse éclata. La musique falote d'un orgue de barbarie, scandée par des éclats de castagnettes et de tambourins, entra de là-haut par la baie ouverte. « Jeudi, c'est vrai, » se dit Francine, accoutumée à la visite hebdomadaire. Sans se rendre encore dans le petit salon voisin, d'où elle pouvait voir les poivresses et leur jeter l'aumône habituelle, un instant elle s'attardait, la tête penchée, écoutant. Son âme tournoyait, emportée au rythme de la valse, retrouvant à chaque retour des mesures bondissantes, l'émoi d'une sensation ancienne. Air chargé de rabolis, si joyeux certains soirs d'été parmi les baraques d'une fête, dans une chaude poussière de banlieue, Francine était petite alors, si nostalgique, sous la cendre d'un jour d'hiver, durant une convalescence où son cœur se remettait plus lentement que son jeune corps vivace. Mélodie égrenée, note à note, rosaire changeant sous les doigts de l'espérance, de la foi ou de la douleur, tant de fois, écho perçant comme une pointe appuyée contre le cœur. Cri venu du plus lointain de la vie. Mademoiselle Dalien secoua la tête, passa dans la pièce voisine. Là, le plafond s'élevait seulement à mi-hauteur de l'atelier. Une croisée donnait sur la cour, qu'entourait de petits jardins, pour le moment noirs et nus. Vers cette croisée entr'ouverte, s'attachait le regard des musiciennes ambulantes, guettant l'aumône, qui ne leur manquerait pas plus ce jeudi-là que les autres. Quand elles aperçurent la silhouette de Francine, elles s'arrêtèrent presque, la mère de tourner la manivelle de l'orgue et les fillettes de danser en agitant castagnettes et tambourins. La jeune artiste prit, comme toujours, un peu au hasard, un morceau de papier sur son élégant petit bureau pour envelopper la piécette qu'elle leur lança. Mais son geste ne fut pas, comme toujours, accueilli par un élan simultané des deux sœurs. La plus petite seule se précipita pour ramasser l'offrande, tandis que l'aînée accomplissait, avec une adresse et une rapidité féline, la plus étrange action. Francine la vit reculer vivement derrière la joueuse d'orgue, pour n'être pas vue de celle-ci, et profiter de ce que la toute petite se tenait baissée pour lancer à son tour, à l'insu de ses compagnes, un pli blanc, très menu et serré, qui va tomber droit dans la chambre. En même temps, sa figure enfantine, d'ailleurs jolie, prenait une expression d'angoisse et de volonté au-dessus de son âge. Elle fixait ses yeux clairs sur la jeune dame charitable avec une injonction de mutisme et de prudence, moins suppliante qu'impérieuse, et dont Francine resta subjuguée. La surprise en outre immobilisait l'artiste, moins curieuse de ce que pouvait contenir le papier que de l'étrange personnalité de cet enfant misérable, transfigurée si singulièrement. Elle examinait l'adolescente. 12 ou 13 ans, peut-être, un corps élancé, si mince qu'on n'y devinait rien de la femme future, sinon dans la flexibilité, quand elle brisait soudain, sur la ceinture de sa jupe rouge, son buste tordu et renversé, les mains tenant haut le tambour de basque, qu'elle rabattait tout à coup pour le frapper de son genou, puis de son coude. Une tête charmante, aux yeux bleus, aux cheveux blonds, à l'ovale étroit, fière. De l'innocence encore, peut-être déjà feinte. « Elle n'est pas la fille de cette vulgaire créature, » pensa Francine, regardant la joueuse d'orgue. « Veut-elle me faire savoir qu'elle est une enfant volée ? La martyrise-t-on ? Me demande-t-elle de venir à son secours ?» Avec un sourire de connivence et d'encouragement, Mademoiselle Dallien accompagna du regard la pitoyable danseuse des rues, qui à présent s'éloignait la dernière, après la femme poussant l'orgue et tirant l'autre gamine, mais qui s'attardait et se retournait pour lui jeter encore, de ses yeux expressifs, un insistant appel. « Voyons ce qu'elle me demande, » murmura Francine, ramassant et dépliant le papier. Une animation dissipait sa langueur récente. Voilà donc une parcelle d'inattendu dans son existence. Une bonne œuvre à faire, peut-être. Elle parcourut l'étrange message. Son cœur battit. Au lieu de la requête attendue, le chiffon de papier portait ces mots, laborieusement tracé par une main de médiocre écolière. « On veut faire des ennuis à M. Marcel Sauvanet. Je voudrais tout vous dire pour empêcher. Prenez-moi un jour comme modèle. Maman ne refusera pas. Camille. » Francine restait pétrifiée de surprise et d'émotion. Marcel. Marcel Sauvanet. Est-ce que cette petite mendiante avait affaire avec le peintre célèbre? Et comment savait-elle, cette fillette des rues, qu'elle, Francine Dallien, pouvait s'intéresser à lui? S'intéresser, Dieu, et de quel intérêt? En juger par le tremblement qui saisit la jeune fille? Cette jeune fille, tout près de passer vieille fille, moins par la trentaine approchant que par le manque d'épanouissement où s'étiolent les féminités solitaires. Marcel, des années qu'elle ne l'avait pas vu, et ce nom, toujours du même choc doux, suffocant, lui heurtait le cœur. Et moins fréquent, car les journaux, les conversations, sans cesse me provoquaient, par la renommée croissante du peintre. Rien ne s'émoussait en elle. Comment guérir? Bon pour les hommes d'effacer une passion par une autre, de la distraire par des caprices, jusqu'à ce que le temps en ait eu raison. Pour les hommes, oui. Pour Marcel Sauvanet, que les succès d'art, les flatteries mondaines, les conquêtes faciles, avaient sûrement consolé. Mais elle, Francine, entre le présent et son idylle passée, qu'y avait-il? Un deuil cruel, la mort de sa mère, puis rien. Les longs jours de souvenirs, de pensées obstinées. Son labeur même, sa peinture, dont la valeur ne l'illusionnait pas, ne servait qu'à entretenir son rêve. Devant chaque difficulté, à chaque touche de son pinceau, n'entendait-elle pas les anciens avis du jeune maître? Francine, fille d'un magistrat, était de famille bourgeoise, presque riche. 8 ans auparavant, son frère venait de se marier lorsque son père mourut. Dans la maison naguère animée, brillante, 2 femmes restèrent seules. Sa mère et elle. Déjà très unies, elles se rapprochèrent encore dans la douleur. Leur tendresse mutuelle prit un peu d'exclusivisme et d'exaltation par l'abondance de cœur de la fille et l'égoïsme inconscient de la mère. Ce dernier trait domina bientôt. Chacun s'en aperçut, excepté Francine. Leurs amis disaient « Madame Dallien mettra toujours obstacle au mariage de sa fille. Elle ne voudra pas s'en séparer. » Les 2 femmes vivaient l'une pour l'autre, détachées du monde, voyageant beaucoup. Madame Dallien semblait ne contraindre en rien Francine, à qui elle laissait une indépendance de garçon. Elle la gâtait, comblait ses vœux, flattait ses goûts artistiques, l'entraînant vers toutes les villes fameuses, vers tous les sites de beauté. En réalité, elle l'enfermait dans un genre de vie spéciale, dans un sentiment unique. Toutefois, elle ne prévit pas du tout. Durant l'hiver passé à Paris, la jeune fille souhaita prendre des leçons de peinture. Les hasards de la vie, malgré toute circonspection, lui amenèrent comme professeur le jeune homme qu'elle devait aimer, celui-là et non un autre. De ceci, la mère ne s'avisa pas. Le peintre étant obscur, gauche, d'origine fort humble, elle compta sur l'orgueil de Francine. Mais Mademoiselle Dallien, avec beaucoup de hauteur naturelle, n'avait pas le genre de morgue vaniteuse à quoi se fiait la mère. Elle aima, elle fut aimée. L'idylle, secrète, chaste, silencieuse, tourna tout de suite au drame par la tardive mais inévitable clairvoyance de celle qui en devint aussitôt l'ennemie. Drame sans geste à effet, sans éclat, sans coup de théâtre, mais si poignant pour ces trois êtres, la mère, la fille et l'autre, celui qui représentait l'amour, qui l'éprouvait, qui l'inspirait. Sa mère l'emporta. Elle créa des malentendus. Il faut si peu de choses pour séparer un garçon délicat d'une fille trop réservée, trop fière, toute bouleversée de scrupules. Ces dames d'ailleurs furent mises en garde. Des bruits leur parvinrent relatifs à une liaison mal dénouée de Marcel. Elles posèrent au jeune homme des questions qui le blessèrent ou l'embarrassèrent. Il refusa d'y répondre. La rupture suivit. Francine avait cru la vouloir. Elle découvrit plus tard, et surtout lorsqu'elle perdit 2 ans après la mère tant chérie pour qu'elle avait immolé son cœur, que Marcel avait été son premier et son dernier amour, qu'elle n'appartiendrait jamais à un autre, qu'elle ne se marierait jamais. Maintenant, elle vivait seule, plus modestement qu'autrefois, car des placements malheureux faits par son frère avaient réduit leur fortune. L'été, elle rejoignait ce frère, la femme et les enfants de celui-ci, dans un petit château qu'il gardait indivise. À Paris, l'hiver, elle habitait le pavillon où était son atelier, dans le quartier de Vaugirard. Une femme de chambre la servait. La peinture l'occupait, sans la dévorer d'aucune flamme. Elle prenait part à de bonnes œuvres. Le monde lui déplaisait. Elle y sentait toujours une curiosité malveillante ou apitoyée autour de sa solitude. Et la mélancolie des existences manquées montait en elle peu à peu comme une eau furtive et sombre.